spice. I feel nice like sugar and spice. I feel good. Autrement dit, je me sens bien. Ce fut en 1965 le plaisir de vivre du sulfureux James Brown, un immense artiste que nous chérissons. Je voudrais rendre hommage à James Brown au nom de la France. Allez-y, je vous en prie. Lève-toi ! Monte dessus ! Lève-toi ! Monte dessus ! Monte sur la scène ! Monte dessus ! Comme une machine à sexe ! Monte dessus ! Lève-toi ! Merci, monsieur. Monte dessus ! Merci, c'est très émouvant. Eh bien, à 11h11, ne te lève pas, mais vautre-toi confortablement puisqu'il est l'heure d'amorcer ensemble les modestes péripéties laïques de ce 190e épisode du Mangin Palace qui débute bien entendu par notre petite session freudienne. Et ce matin, monsieur Divan Beaujelet s'est exclusivement consacré à ce drôle de show télévisé que TF1 nous a offert lundi dernier. Alors, certains mauvais esprits ont estimé qu'il s'agissait là d'une réunion Tupperware, quand d'autres y ont vu le revival de L'Amour en danger, cette magnifique émission animée par Jacques Pradel dans les années 90. Quoi qu'il en soit, en voici la quintessence, tant bien à l'oreille, ainsi soit-il. Cette histoire est tirée de faits réels. L'interview du chef de l'État sur TF1. Par ordre d'apparition, Laurence Ferrari. Allez, chut, sois sage. Puis Jean-Pierre Pernaut. Moi, je trouve qu'il est très coquet. Avec un panel de Français. À tout de suite après le sponsor. J'ai l'honneur et l'avantage d'annoncer la venue de notre sage et omnipotent leader, Zoltan. Et notre invité ce soir, c'est le président de la République, Nicolas Sarkozy. Bonsoir, monsieur le président. Bonsoir. Vous êtes sincère. Vous aimez mon travail? Vous savez, on pourrait vous demander votre salaire. Et si je suis sûr que si je le comparais à un smicard, ça choquerait beaucoup nos téléspectateurs. Tu joues à quoi? À la vertu outragée? C'est le moment ou jamais de se dire les choses en face. Je crois que cette fois, on va éclater l'audimat, Coco. Parole de français, maintenant. On parle toujours de minimum vital et on lésine sur le maximum. Mais pourquoi? Mais pourquoi? Ça ne me choque pas quelqu'un qui a créé une entreprise comme celle de Bill Gates, qui a donné des emplois à des dizaines de milliers de gens à travers le monde, gagne bien sa vie. Je sais, tous les jours, dans le métro, au bistrot, à l'usine, vous vous dites « ça sera jamais pour ma gueule ». Je veux pas vivre dans le modèle de l'Union soviétique, voilà. Je demande pardon ? Ce qui me choque, c'est le salaire qui ne correspond pas à un mérite, qui ne correspond pas à un talent. C'est un investissement de père de famille, hein. Oui, ben c'est pas le moment de faire les comptes, allez, viens. Si vous le voulez, je pense qu'il faut commencer par le plus important, ce qui préoccupe le plus les Français. Le chômage. Consternation générale. Je sais que dans les semaines et les mois qui viennent, vous verrez reculer le chômage dans notre pays. Wow ! Ouais ! Qu'est-ce que nous essayons de faire avec le gouvernement ? De remettre la France au travail. Tu nous prends pour des bourriques ? En permettant aux gens de travailler davantage. C'est parti ! Et on envoie la suite ! Le choix des 35 heures qui a été fait s'est révélé catastrophique de deux points de vue. Du point de vue de vos salaires, parce que les salaires sont petits, sont pas assez élevés. Ah ben ça, par exemple, elle est raide. Tu trouves pas que tu renverses un peu le protocole, non? Et du point de vue de la croissance. Un bon ouvrier doit satisfaire son patron. Monsieur le Président, merci infiniment d'avoir accepté l'invitation de TF1. Bien, c'est fini pour cette semaine. À la prochaine et bonsoir. C'était l'urgence de la soirée. Nicolas Sarkozy aura consacré 5 bonnes minutes à défendre Henri Proglio, allant jusqu'à tacler Laurence Ferrari. Moi? Pas du tout, quelle idée! Pour le reste, le débat très pédagogique, un peu trop long, sous la houlette d'un Jean-Pierre Pernaut très effacé. Ohé ! Y a quelqu'un là-dedans ? N'a pas directement répondu aux angoisses des 11 Français sélectionnés. Est-ce que c'est 1-1 ou 1-1? C'est 1-1. La prestation d'hier soir aura toutefois permis un correctif d'image, mettant en scène un Nicolas Sarkozy plutôt calme et à l'écoute. Moi j'ai cru que j'avais une mononucléose, mais en fait c'était de l'ennui profond. Vois-tu, 48 heures après la prestation de Nicolas Sarkozy sur TF1, président Chirac a organisé un curieux dîner en ville mercredi soir afin de préparer la folle journée du lendemain, cruciale pour la droite française, puisque la 11e chambre du tribunal correctionnel de Paris devait rendre son jugement dans l'affaire Clearstream. Dominique de Villepin serait-il condamné ou relaxé? Eh bien, autour de la table, les avis divergeaient. C'est un procès politique. En aucune façon, je ne peux être condamné. Bah, si, c'est possible. Ah, mais laissez-le tranquille, Darvor. Qu'il puisse profiter de sa dernière soirée d'homme libre. Jacques, tiens, je t'ai amené ça. Mais je ne fume pas, Jacques. Tu es naïf, Dominique. Hein? Les clopes en prison, c'est la monnaie. 3 cigarettes, t'as accès à la télécommande de la télé. 5 cigarettes, t'as le droit d'aller prendre une douche tout seul. Monsieur Chirac, vous exagérez. Monsieur de Villepin risque une amende et de la prison avec sursis. Bien sûr, oui. Nicolas Sarkozy t'a traîné en justice pour que tu en sortes innocenté et blanchi. C'est évident. C'est qui, cette jeune fille-là? Elle est avec moi, d'abord. C'est Svetlana, une étudiante russe, passionnée d'histoire, et qui aimerait s'entretenir de Napoléon avec Dominique avant qu'il aille en prison. Mais Jacques, vous êtes fou! Bon, Dominique, tu prends les cigarettes, tu vas discuter avec madame, et demain soir, quand tu seras fleuri dans ta cellule de 9 mètres carrés, tu repenseras à tout ça avec les larmes aux yeux et je serai ton héros. Oui, président Chirac a toujours été très attentionné avec ses proches quand ils sont dans la mouise. Néanmoins, Dominique de Villepin refusait mordicus de croire qu'il puisse être condamné le lendemain. D'ailleurs, lorsqu'il est rentré chez lui mercredi soir, un peu pinté à la Corona, il répétait à Marie-Laure, son épouse, ses certitudes quant à l'issue de ce procès rocambolesque. Je suis sûr de confondre mes accusateurs. Les lâches qui me calomnient, osent-ils m'attaquer en face? Qu'ils se montrent! Et je les couvrirai eux-mêmes de l'ignominie et de l'opprobre qui les caractérise. Lorsque je me vois si grièvement, si injustement inculpé, suis-je le maître de commander au sentiment d'indignation qui me soulève contre mes détracteurs? Moi, conspirateur! Que l'accusateur, là, qui m'accuse d'après la Convention, administre la preuve, la semi-preuve, le quart de preuve du commencement d'un indice de vénalité. Sans aucun doute, on retrouve parfois chez Villepin l'éloquence et la truculence d'un Danton. C'est ainsi que jeudi matin, flanqué de toute sa petite famille, Dominique s'est pointé au tribunal où le président a pris tout son temps pour rendre son jugement. Quand, à 12h30, le verdict est enfin tombé. Verdict dans l'affaire Clearstream, Dominique de Villepin a été relaxé de toutes les accusations pesant contre lui. J'aimerais entendre un double oh oh! Cool, cool, cool, forêt c'est cool. Un verdict qui m'innocente et qui fait de moi un homme neuf, n'en déplaise à certains. Mais chance, tu es très heureux et je respecte évidemment cette erreur judiciaire. Décision judiciaire. Oui, j'ai dit quoi? Vous avez dit erreur judiciaire. Vous vous trompez encore, comme avant le procès, où vous disiez que j'étais coupable alors que je n'étais qu'un prévenu. Je suis désolé, Dominique, mais dès que je pense à toi, je réfléchis plus, là. Hein. C'est mon cœur qui parle. Malgré les déclarations courtoises et réciproques, il est évident que les relations entre la Rolex et la Relax ne se sont pas arrangées, loin s'en faut. De son côté, Nicolas Sarkozy n'a pas eu d'autre choix que d'avaler son chapeau, mais on imagine très bien qu'il a pu violemment fracasser son bureau, alors que Dominique de Villepin, lui, est allé s'exprimer au journal de 20h sur France 2, où il s'est présenté comme le porte-voix d'une nouvelle dissidence à droite. Citoyens, citoyennes, on vous cause. Ici, un homme sans peur et sans reproche, des voyous, des abrutis ont essayé d'écraser dans l'œuf l'intelligence et la poésie. Ta gueule ! Mais l'intelligence se relève pour uriner au fondement de ses adversaires sans scrupule. Et la poésie se relève aussi pour faire chier le monde. Alors bien sûr, face à l'esprit de revanche affiché par Villepin, une cellule d'urgence s'est réunie jeudi soir à l'Élysée. Il y avait là Claude Guéant, Maître Herzog, l'avocat de Nicolas Sarkozy, présent lui aussi. Voici les conclusions de ce triumvirat redoutable. Primo, avec Villepin remis en selle sur la scène politique, François Bayrou est a priori carbonisé. Mais secondo, Don Quichotte va sans doute faire revivre la flamme du gaullisme, et là, c'est la mouise. Car Villepin est fichu de faire 10% à la prochaine présidentielle, et de devenir ainsi le fossoyeur du sarkozysme, comme Chirac le fut du giscardisme. Alors que faire ? Eh bien, vendredi matin, coup de théâtre, dis donc. Enfin, théâtre de marionnettes, hein. Puisque Jean-Claude Marin, proche de Nicolas Sarkozy, mais aussi procureur de la République de Paris, se pointe sur une radio privée pour annoncer une décision du parquet. Alors en gros, voilà ce que pense M. Jean-Claude Marin de Dominique de Villepin. Je n'aime pas les innocents, disait ce bon juge. Ils font beaucoup plus d'histoires que les autres, et au bout du compte, les erreurs judiciaires, c'est toujours à cause d'eux. Bon, traduction, le parquet a fait appel, et nous aurons donc le droit d'assister à un second procès Clearstream. C'est le retour du théâtre des Guignols, où Dominique de Villepin va devoir revenir s'expliquer à la barre devant le président d'un tribunal. Pouvez-vous maintenant nous parler de... nous préciser les circonstances? Je m'engourais qu'on allait encore évoquer des tristesses. Vous décrire les circonstances, monsieur le président, ça c'est... c'est revivre tout le calvaire. De jour comme de nuit, toujours sur la brèche et l'œil à tout. Qu'est-ce qui devient le pauvre homme, hein? Une proie. Tous les cannibales qui lui secouent sans carbure. Voyez d'ici le carnage, monsieur le président. L'homme à terre, piétiné, qu'on achève. Et encore... l'homme est taillé pour la lutte, mais la pauvre femme, hein, la pauvre femme. La mienne, c'est bien simple, elle s'est mise à se momifier, monsieur le président, à se momifier, jour après jour. Victime plus que jamais d'un acharnement, parions que Dominique de Villepin sortira de rechef blanchi de ce second procès. Mais alors, que va-t-il se passer ensuite? Eh bien, monsieur Villepin ira sans doute rendre visite à président Chirac pour lui annoncer combien il est heureux que cette seconde procédure judiciaire soit arrivée à son terme, car franchement, elle commençait à contrarier sérieusement ses projets les plus chers. Elle m'empêchait de mettre un terme au grand projet que je me suis juré d'accomplir. Un grand projet? Oh, cela vous amusera. Faire justice. Faire justice, vous? Moi. Vous ne pouvez pas, monsieur. Ce serait un inextricable capharnaüm si n'importe qui se mettait en tête de rendre la justice. Bon, pas que vous soyez n'importe qui, naturellement. Mais pour faire justice, il y a des magistrats. Oh, rassurez-vous. Je ne songeais pas à me substituer à la justice des hommes. Mais il n'y en a pas d'autre. Mais si. Celle que nous évoquions à l'instant. La justice de Dieu. Oui, bon, la démesure mégalomane est très ancrée chez Dominique de Villepin. Mais soyons certains qu'il fera tout néanmoins pour faire chuter Nicolas Sarkozy dans son désir de réélection en 2012, qui lui, si ça continue comme ça, n'aura plus d'autre choix sans doute pour se débarrasser de son redoutable rival que d'aller réclamer les services de certains amis de Silvio Berlusconi. Aujourd'hui, vous venez pleurer chez moi en disant « Don Corleone, rendez-moi justice ». Mais est-ce que je vois un peu de respect? Est-ce que je sens un peu d'amitié? Est-ce qu'il vous vient à l'idée de m'appeler parrain? Qu'est-ce que je vous ai donc fait pour que vous me parliez avec si peu de respect? Vous seriez venu à moi comme à un ami. Et si par hasard un homme comme vous avait à se plaindre d'un ennemi, alors son ennemi deviendrait le mien. Et il aurait très peur de vous. Soyez mon ami. Parrain. Does it feel as true for you as it does for me too? You told me that it could be, but I think that I might know what could happen before. Addictive personalities always looking for more. Ce True Love, c'est celui de Mickey Green qui cherche l'amour vrai pour accrocher les cœurs à l'heure où nous a quitté le mystérieux et magique J.D. Salinger. Alors bien sûr, la panique a voulu faire un geste. Alors maintenant, après notre pincement à l'accroche-cœur pour Salinger, il est temps à 11h27 de nous rendre là où palpite cette semaine le cœur de l'Afrique, non pas en Angola où se joue en fin d'après-midi la finale de la Coupe d'Afrique des Nations de football, mais bien en Éthiopie où se tient le 14e sommet de l'Union africaine qui s'ouvre aujourd'hui même. Et à Addis Abeba, ce n'est pas Addis que les chefs d'État africains discuteront puisqu'ils seront près de 40 pour parler de l'avenir du continent. On parle même d'un projet de création des États-Unis d'Afrique. Et ce sommet de l'Union africaine a été une superbe occasion pour les voix des fantômes de la radiodiffusion française de s'intéresser à l'Éthiopie. Ainsi, écoute ce que nous rapporte à ce propos notre Bernard Lhermitte, planqué dans sa boîte d'archives au cœur des sous-sols obscurs et sinueux de l'INA. Tends bien l'oreille et découvre ici la vie parallèle de l'Institut National de l'Audiovisuel. Des révélations, des hypothèses. Un Bernard Lhermitte. Qui demande la parole ? Cette semaine, à l'INA, nous n'étions pas très bien renseignés sur le sommet de l'Union africaine qui se tenait à Addis Abeba, en Éthiopie. Alors on nous a montré un film pour nous expliquer. Au début, le héros est dans un avion. Lorsque on part du Caire dans un DC-3, qui d'abord, pendant de longues heures, survole les étendues de sable du désert de Nubie. Ensuite, pendant d'autres longues heures, survole un paysage parfaitement lunaire aux environs des sources du Nil bleu. À ce moment-là, l'aspect des hauts plateaux éthiopiens donne un peu celui d'un paradis. Car brusquement, toute une végétation éclate et on voit des grandes forêts, des lacs, et on devine les maisons d'Addis Abeba au milieu de la verdure. Alors le héros descend de l'avion et il se rend à une grande réunion. Ce fut dans une ambiance euphorique que s'est tenue la dernière séance de la conférence au sommet panafricain. Commencée après minuit et placée sous la présidence de Sa Majesté impériale Haïlé Sélassié Ier, elle devait prendre fin à 2h du matin. L'assistance avait la prenante impression de vivre un moment historique en applaudissant frénétiquement les chefs d'État qui, tour à tour, vinrent déposer leur signature au bas des 4 exemplaires de la charte de l'Organisation africaine. Il était 2h du matin à Addis Abeba. Haïlé Sélassié Ier dit en français d'une voix détachée « Je déclare close la conférence des chefs d'État indépendants d'Afrique ». À ce moment-là, le héros a un flashback. Il est au même endroit, presque 30 ans avant, et c'est la guerre. Le Conseil des ministres italiens et le Grand Conseil fasciste sont convoqués samedi soir à 23h à Rome. Le Duce doit faire connaître le statut nouveau de l'Éthiopie. On lui prête l'intention de proclamer que le roi d'Italie portera désormais le titre d'empereur d'Abyssinie. Soudain, le héros est tiré de sa rêverie par une voix familière. C'est Thomas Sankara, un vieil ami à lui. Nous avons le devoir aujourd'hui de créer le front uni d'Addis Abeba contre la dette. Les origines de la dette remontent aux origines du colonialisme. Ceux qui nous ont prêté de l'argent, ce sont ceux-là qui nous ont colonisés. Ce sont les colonisateurs qui endettaient l'Afrique auprès des bailleurs de fonds, leurs frères et cousins. Nous étions étrangers à cette dette. Nous ne pouvons donc pas la payer. Mais alors qu'il venait juste de le retrouver, Thomas Sankara est assassiné. Du coup, le héros se retrouve vraiment très seul, dans cette ville qu'il ne reconnaît plus. Je ne suis parvenu à Addis Abeba depuis 20 ans. Et je désirerais profiter de ce bref séjour de 1955 pour mettre à jour le bilan de l'amitié renouvelée de l'Éthiopie et de la France. L'Éthiopie traditionnelle, celle du premier tiers de notre siècle, était un pays d'amitié française et de culture française. Dans les plus petites villes, on rencontrait l'accueil sympathique de jeunes gens qui avaient été les élèves des missionnaires français, capucins ou lazaristes. J'ai quitté tout cela après un séjour de quelques mois, il y a 20 ans. Et là, comme par hasard, le héros, au coin d'une rue, tombe sur une femme avec qui il a eu une aventure. Mais ce n'est plus comme avant. Bonjour à tous. Je suis sœur Hollis. Ma mission est de vous porter les enseignements de notre Seigneur Jésus. Bien, vous avez tous la Bible qui vous a été gracieusement offerte. Non, on ne doit pas manger la Bible, on doit la lire. Commençons par Marc, verset 3-17. Ah non, souvenez-vous que lire la Bible plus accepter Jésus égale nourriture. Merci beaucoup, Flora Bernard. Et sans vouloir vous flatter, vous êtes la Négus de l'antre de Lina. Mais maintenant, à 11h32, il est temps pour nous de quitter l'Abyssinie et de chevaucher la bicyclette afin de poursuivre notre chemin, puisqu'il est l'heure de nos actualités locales et foutraques. Voici donc notre décrochage régional, direction Gros-Boule-les-Bains. Comment vous appelez-vous, vous ? Jean-Claude. Ça vous va, c'est fou. Alors maintenant, toujours en direct du Manche Impalace, précipitons-nous à Gros-Boule-les-Bains afin de rejoindre Monique à la pêche et Jean-Claude au moule. Car figure-toi que cette semaine, notre Jean-Claude a eu la tête traversée par une idée bien saugrenue. En effet, depuis le début du mois, Jean-Claude attend de savoir si le gouvernement français va enfin se prononcer sur l'interdiction ou non de la pêche au thon rouge en Méditerranée. Jean-Claude se demande d'ailleurs pourquoi il faudrait interdire la pêche au thon, à moins de vouloir protéger les figurants du film Océan en ce moment sur les écrans. Ce à quoi son fils Rémi hurle de stupeur. Comment son père peut-il admettre l'idée d'exploiter une espèce menacée? Et pourquoi pas aller tuer des baleines pendant qu'il y est? Mais Jean-Claude ne comprend toujours pas. À la pêche, à la baleine, à la pêche, à la baleine, qui ne veut pas aller, et pourquoi donc? Et pourquoi donc que j'irai pêcher une bête qui m'a rien fait, papa? Va la pépé, va la pêcher toi-même puisque ça te plaît. J'aime mieux rester à la maison avec ma pauvre mère et le cousin Gaston. Eh ben, t'as qu'à rester à la maison avec ta daronne et ton cousin, beugle Jean-Claude, qui décide pour sa part de mettre immédiatement à exécution sa nouvelle stratégie dans la guerre de récession. L'argent n'a pas d'odeur, et pour se faire de la maille, il va s'embarquer direct sur un beau bateau, le Pegwood, dans un petit port de pêche. Hé là ! Qu'est-ce que vous voulez faire à bord ? C'est vous le capitaine du Pegwood ? Qu'est-ce que tu lui veux, capitaine ? On a dans l'idée de s'embarquer. Ah ? Tu as dans l'idée de t'embarquer ? Oui, j'ai... Je veux dire, j'ai dans... Tu te moques de moi, mon gars ? Non, je m'embrouille seulement dans ma façon de parler. Si tu n'étais pas Quaker et homme pacifique, tu aurais déjà reçu une tôle sur la figure pour t'apprendre à vivre, mon gaillard. J'ai fait plusieurs voyages dans la marine marchande. La marine marchande, une saleté. Pourquoi veux-tu naviguer ? Ben, Jean-Claude se lance alors dans une longue explication à base d'hommes libres qui chérit la mer et de marins et de capitaines qui sont partis nombreux pour des courses lointaines. Le capitaine du Thonier, maintenant convaincu, accepte donc l'embarquement de ce vieux loup de mer de Jean-Claude qui est tout de suite envoyé à la tâche. Du mazout, y en a ? Partout. Ah, ça, le mazout, ça donne mal au cœur, hein ? Oui, le mazout, c'est pas... Surtout qu'en plus, un bateau de pêche, il y a aussi l'odeur du poisson. Ben oui, forcément. Et ça aussi, l'odeur du poisson, ça rend malade, hein. Les deux ensemble, pour quelqu'un qui n'aime ni le poisson, ni le... Bon, je vais m'occuper là-haut, hein. Va falloir penser à manger. Pas tout de suite. Oui, le métier de marin-pêcheur n'est pas une sinécure et Jean-Claude en fait les frais au grand plaisir des poissons qui s'initient par la même occasion à la gastronomie grosboulaise. Jean-Claude se remet peu à peu de son mal de mer et profite, en compagnie des autres marins, de la beauté de cette grande étendue humide. C'est calme ici ce soir. Tu entends le chant lointain des baleines chanteuses ? Merveilleux. Je me demande ce qu'elles se disent. Non, ça c'est la sirène d'une barge de déchets toxiques. Là, tu entends ? Ça, ce sont elles. Oui, c'est bien joli, les baleines. Mais c'est pour le ton que Jean-Claude est monté sur ce foutu rafio. Et d'ailleurs, Jean-Claude s'enquiert auprès du commandant sur quelle espèce de ton ils vont jeter leur dévolu. Sera-ce sur le si prisé mais si menacé ton rouge ou bien sur le ton blanc, autrement dit le ton germont ? Jean-Claude, qui veut alors jouer au grand connaisseur, demande s'ils vont pêcher du thon jaune. Enfin, du thon... Le capitaine est consterné. Le thon jaune, c'est le thon albacore. Et... face à autant d'incompétences de la part de Jean-Claude, le capitaine décide de prendre une mesure radicale. Jean-Claude est jeté en fond de cale. Bon, là, comme il s'ennuie, Jean-Claude décide d'écrire une petite lettre à sa Monique qui l'attend au port, prête à bondir sur une bite d'amarrage pour accueillir Jean-Claude. Bon, la lettre commence bien. Ma chère Monique, je suis sur le navire et je respire le grand air marin en pensant à toi. Mais très vite, sa lettre part en vrille. Ça fait une paye qu'on n'a pas touché terre. Et même une paye qu'on se fait des gonzesses en poster. Tant pis pour celle qui se pointera la première. Je lui démonte la passerelle, la cale, la dunette arrière. Du rhum, des femmes et de la bière, nom de Dieu. Un accordéon pour valser tant qu'on veut. Du rhum, des femmes, c'est ça qui rend heureux. Que le diable nous emporte, on n'a rien trouvé de mieux. À vrai dire, Jean-Claude n'a rien trouvé mieux que sa Monique. Et oui, car tu imagines bien que le capitaine du navire l'a débarqué dans le premier port avec comme seul salaire le prix du billet de train pour rentrer à Grosboul-les-Bains. Et d'ailleurs, à la gare, Jean-Claude, ancien marin, a croisé un groupe de jeunes femmes en route pour un week-end au ski à Val d'Isère en Savoie. Une bande de thon remontant la rivière s'en allait gaiement, une bande de thon remontant la rivière, s'en allait gaiement vers Val d'Isère, la Rilonlet, s'en allait gaiement vers Val d'Isère. Quand on est thon, c'est pour la vie entière, faut se faire une raison, faut se faire une raison. Une tête de thon, qu'elle soit dans la rivière, ou qu'elle soit sur terre, faut se la farcir, la Rilonlet, c'est le tcha-tcha des thons de Val d'Isère. Tcha-tcha-tcha les thons. Tcha-tcha-tcha les thons, tcha-tcha-tcha les thons, avec un thé comme crocodile, tcha-tcha-tcha les thons, avec un thé. Et ce n'est pas avec des larmes de crocodile que Jean-Claude débarque à Grosboul devant Monique qui l'avait laissé seul à la maison. Salut ma poule, je m'en reviens d'une île qu'on appelle Cuba. À propos de Cuba, j'ai hâte de voir le tien. Fais-moi cuire ma pêche. Une mouette? Les baleines n'ont pas voulu mordre. Je sais que tu as fait de ton mieux. Ouais, ouais, tu sais toujours tout, toi, hein? Et ce que Monique sait surtout, c'est que Jean-Claude n'a pas fait mieux que ramener une mouette de cette virée halieutique. Enfin, ce n'est pas tout à fait exact. Jean-Claude est revenu avec trois petites réflexions. Primo, le métier de marin-pêcheur, foutre Dieu, c'est pas facile. Et surtout, il ne doit pas se réduire à un joli folklore, tout juste bon à alimenter les JT de Jean-Pierre Pernaut. Secondo, pour protéger l'avenir des pêcheurs, il faut sans doute aussi protéger les poissons, parce que l'un ne va pas sans l'autre. Alors, tertio, pourquoi la France met-elle autant de temps à apporter aux instances de l'Union européenne son avis sur l'interdiction temporaire du commerce international du thon rouge de Méditerranée? Les données du problème semblent pourtant très claires. Nous n'accepterons pas que la pêche disparaisse dans notre pays. Dites, monsieur le pêcheur, ça mord? Vous faites sauver le poisson? Du poisson? J'en ai jamais vu. Il y en a peut-être, mais faut pas faire de bruit, hein? Chut, la barbe! Ah, mais je veux pas vous déranger, pêchez. Il est vrai que les menaces concernant l'existence de certaines espèces comme le thon rouge ne peuvent plus être ignorées. Le thon, c'est bon, mais le thon blanc, c'est excellent. Le thon blanc, c'est excellent. Tous ceux qui s'inquiètent pour savoir si je tiendrai mes engagements, je leur dirai... Bah, descends, on peut le dire. Descends, peu. Si tu crois que c'est en insultant, eh ben, permets-moi de te dire... Le thon, c'est bon, mais le thon blanc, c'est excellent. Bien. Après cette petite virée en mer à 11h41, il est temps désormais de retrouver notre petit reportage Made in Panic. Et ce matin, justement, dans le dictionnaire imaginaire de M. Julien Dugast, le mot qui compte triple, c'est une pièce essentielle d'un navire, autrement dit, la quille. Pourquoi ? Eh bien, pour celles et ceux qui maîtrisent parfaitement l'argot militaire, ils savent que la quille correspond également à la fin du service. Et à l'heure où la réforme des retraites est plus que jamais au cœur des préoccupations sociales, notre facétieux reporter a tenté d'y voir plus clair par le prisme d'une approche philosophique. Quelles sont les pistes du répit ? Ainsi, grâce à Pierre-Henri Tavoyot, maître de conférence en philosophie à l'Université de Paris-Sorbonne, découvrons ensemble, juste après la virgule, quels sont les enjeux de la quille. Avec les lettres W, Q et T, je forme le mot Wacht. Trois consonnes, trois voyelles, quille. La quille, c'est le moment où effectivement on se sent libéré, libéré des contraintes. C'est en quelque sorte cet espoir d'enfin se consacrer aux choses importantes et qui nous touchent. Allô, allô, ici Radio Loufoque. Mes chers auditeurs, qui dit ? Aujourd'hui, notre micro est installé à la maison de retraite des travailleurs du chapeau. Je comprends pas bien ce qui se passe avec les retraites. Je comprends pas bien ce que veut Martine Aubry, ce que veut Nicolas Sarkozy. Je comprends plus ce débat, en fait. Grosso modo, on est sur un débat qui est structuré de la manière suivante. Un certain nombre d'experts nous disent que, à juste titre, que le financement de nos retraites n'est pas assuré. Ça arrivera effectivement incontestablement pour des raisons démographiques qui sont claires, et on sait que la démographie, c'est des phénomènes très lourds. Le seul problème, c'est, alors même que chacun connaît cette situation et connaît à peu près les solutions qui sont présentes, on peut toucher sur la durée du travail, on peut toucher sur le montant des cotisations, donc les solutions sont à peu près envisagées, et pourtant on a le sentiment que depuis des années et des années que cette catastrophe est annoncée, d'une certaine façon, les réformes arrivent extrêmement douloureusement. Bien, que je vous mette au parfum. Autour de cette table, les étudiants à vie. Autour de celle-là, les comateux. Et enfin là, les comateux défoncés. Eh, qui a cet étalon droit comme un thermomètre? Alors les filles, on est venus rendre visite à maman. lui c'est Zach, ça joue les jolis cœurs comme si ça avait encore 50 ans. Philosophiquement, il y a deux grandes conceptions de la retraite. Il y a la retraite cicéronienne, un très beau texte de Cicéron, qui est de Sénèque tout est, qui défendait une retraite en disant le vieux, enfin le senior, il pourrait dire ça, fait les choses de manière plus efficace et mieux que le junior, parce qu'il est libéré des pulsions, des passions, de l'appétit de la gloire, et donc il est beaucoup plus efficace. Donc C'est la retraite active. Non, je crois que je préfère bûcher pendant que je suis là et avoir un vrai temps de repos. Sinon, au bout d'un moment, le corps dit non. Puis il y a un deuxième modèle, qui est le modèle plus religieux, qui est défendu par saint Augustin, qui est la retraite comme retrait du monde. On sort du monde, de ses futilités, de son absurdité, de sa frénésie, pour se consacrer aux choses très importantes. Alors, pour saint Augustin, c'était Dieu, évidemment, et son salut. On pourrait dire aujourd'hui que c'est se consacrer à ses proches, à des activités qui nous plaisent. Et nous avons une espèce de motion de synthèse entre ces deux modèles de retraite. On voudrait une retraite active comme Cicéron et une retraite sortie de la frénésie capitaliste, professionnelle qui nous assaille comme saint Augustin. Ah non, mamie Jacotte, ah non, elle habite plus rue du Rocher. Ah non, maintenant que papy Jaco est mort, on l'habite. Enfin, elle habite dans une grande maison. Avec plein d'autres vieilles dames. On pourrait envisager une espèce de retraite tout au long de la vie. Voilà une petite astuce possible pour rendre ce débat plus positif, qui consisterait à dire aujourd'hui, d'une certaine façon, assurons-nous dans une carrière plus longue des éléments de répit. Éventuellement, travaillons jusqu'à 70 ans, mais ayons dans notre carrière plus longue des années en quelque sorte sabbatiques qui permettent à la fois de lutter contre la pénibilité et puis d'assurer des pauses. Je voudrais savoir à quel âge vous pensez qu'on peut arrêter la quête du Graal, si je voudrais prendre ma retraite. Qu'est-ce que vous appelez votre retraite exactement? Bah, le jour où je plie l'ego, les gens rentrent chez moi. Enfin, vous allez pas partir comme ça? Ah bah non, ouais, c'est un petit buffet quand même. Ah bah un canon, on n'est pas des bêtes. Alors quant à moi, je prends mes 3T et mes 3X. Ce qui donne le mot... Oh, pas l'animal aquatique nocturne. Oui. Oui. Oui, à la quille, il faut peut-être préférer le droit au répit. Autrement dit, des moments d'accalmie, en alternance avec une vie très active, des moments de plaisir dans la force de l'âge. Enfin, quoi qu'il en soit, si tu veux mon avis, tu as intérêt à en profiter le plus vite et le plus souvent possible. Parce que franchement, quand tu t'aperçois comment on traite nos anciens, ça donne pas envie, hein, la retraite. 36-15 code nos anciens, c'est le rendez-vous de tous ceux qui ont décidé d'accompagner, tous ceux qui, ayant parcouru un long chemin, ayant traversé de nombreuses saisons, se retrouvent à l'hiver de leur vie. Et comme il est bon, quelquefois... Mais la personne âgée, elle est difficile à nourrir aussi. Oui, ben, ils sont pas faciles. Je vais vous dresser un portrait. Ils sont souvent acariates. Ah oui. Ils sont d'accord. Le vieux, et puis souvent, est sale, il n'est jamais content. Bah, il a pas la dentition souvent pour ça. Oui, alors il en met pas. C'est-à-dire qu'il se retrouve avec deux gencives qui essayent de... Et puis il est acariate souvent. Des vrais gamins, mais sans le charme de l'enfance. Voilà. Aïe, sale bête. Tout petit comme ça. Oh là là, les moustiques. Y en a-t-il par là? Ou bien y en a-t-il pas? Tout petit comme ça. C'est fou ce que ça pique. En tapant comme ci. En tapant comme ça, on les écrasera. Attention, les voici. Les costauds, les moyens, les petits. Entendez-vous dans la campagne le bruit qu'ils font en s'approchant? Tous les moustiques et leurs compagnes vont s'abreuver de notre sang. Oh là là, les moustiques. Y en a-t-il par là? Ou bien y en a-t-il pas? Tout petit comme ça. Presque microscopique. Ils sont plus dangereux qu'un serpent venimeux ou qu'un taureau furieux. Bon là-bas, le combat. Cette fois, c'est la vraie coria. Olé! Et que chacun se mette en garde, sans oublier en combattant de se prévoir. Oh là là, les moustiques. Y en a-t-il par là? Ou bien y en a-t-il pas? Tout petit comme ça. Mais toujours prolifique. Quand on tue la maman, quand on tue le papa, tous les petits sont là. À l'avant, les enfants, nous devons revenir triomphants. Et pour fêter notre victoire, quand ils seront exterminés, nous chanterons le jour de gloire. Le jour de gloire. gloire est arrivé. Le jour de gloire est arrivé. Les moustiques attaquaient en 1961 la divine Annie Cordy et l'insouciant Luis Mariano. Par cette chaude soirée d'été, un homme insouciant prend l'air sur sa terrasse. Ouais, je suis insouciant sur ma terrasse. Dans la torpeur moite du jardin, on entend monter toute proche la mélopée du moustique. On va lui piquer les pieds, on va lui piquer le nez, on va le bouffer. Qu'est-ce que c'est? Ça sent la citronnelle. Fuyons! Trop tard. Magnifique. Alors maintenant, à 11h50, nous retrouvons avec grand plaisir notre ami Xavier Mauduit, puisque la panique au Mangin Palace ouvre son petit kiosque à journaux sévèrement fourni. Allô Marcel. Ce que je reproche aux journaux, c'est de nous faire faire attention tous les jours à des choses insignifiantes, tandis que nous lisons 3 ou 4 fois dans notre vie les livres où il y a des choses essentielles. Mauduit, bonjour. Salut Colin. Alors, que nous offre la presse cette semaine, camarade? Oh là là, Philippe, je vous le dis tout net, je n'y comprends plus rien. Cette semaine, en lisant la presse, j'ai été totalement perturbé par la confusion des genres. Alors déjà, vous avez suivi l'affaire Henri Proglio. Oui. Eh oui, le pauvre homme, il a créé la polémique en cumulant son salaire d'EDF avec sa rémunération de Veolia, qu'il a été contraint ensuite d'abandonner face à l'indignation générale. Un Imbroglio. Oui, bon, je vous sens inquiet, mais je vous rassure, ça va aller pour lui. Hein. 1 600 000 euros annuels avec EDF, oui. Ça va, hein, bon. Mais la confusion des genres demeure, car Henri Proglio reste président non exécutif du groupe Veolia, tout en prenant la tête d'EDF, et puis de tout le monde aussi d'ailleurs. 1 600 000 euros, hein, c'est beaucoup. 450 000 euros d'augmentation, non, c'est ouais, ça ouais, hein, non, mais c'est assez incroyable. Ah, mais... c'est bien, oh, Philippe, c'est bien. Philippe, ah. Je vous regarde dans les yeux et je dis... Jalouse. Non, attention, pas de confusion des genres, c'est le magazine Jalouse du mois de février qui a sans doute inspiré Henri Proglio, puisque Jalouse nous explique qu'à deux, c'est mieux. Ah oui. Et oui, Jalouse nous dit que par le passé, pour faire fortune, il fallait construire des usines et que désormais, il faut connaître la bonne personne. Il faut voir grand et engranger de l'argent. Voilà, donc Henri Proglio lit Jalouse. Mais pas que. Parce que pour mieux comprendre comment ce super patron a obtenu un double salaire avec sa double casquette et au passage la belle augmentation dont vous parliez. Bah, c'est terrible là, hein, parce que ça c'est le pompon l'augmentation. Bah oui. Bah bon voilà, je me suis plongé dans le magazine le plus instructif sur le capitalisme ultra-libéral, évidemment Poker VIP. Parce ça que... existe vraiment. Ouais, ça existe, ouais. Dans le numéro du mois de janvier de Poker VIP, on trouvait un dossier sur les bonnes stratégies pour gagner la partie avec en introduction cette sentence absolue. Bienvenue dans un monde de voleurs. Voilà. Alors, Philippe, je vous passe les détails. Vous jouez au poker? Non, jamais. La blinde, vous connaissez? Oui, je vois ce que c'est à peu près, bon, la alors, blinde. Bon, en gros, c'est une mise initiale et obligatoire, plus ou moins importante. Il y a la petite blinde et puis la grosse blinde. Bon, enfin, voilà, l'idée que nous livre Poker VIP, c'est vous devez avoir un comportement agressif et attaquer très souvent. Alors, évidemment, il faut bluffer, hein, parce que bah, si personne ne voit rien... Si personne ne dit rien, eh, si ça passe, tant mieux, hein, voilà. Bon, pour la relance, bah, c'est de Vedjian, voilà. Bon, c'est ça, hein, le grand poker capitalistique, il faut bluffer et trouver des parades. Être blindé aussi. Et être blindé, exemple. Lors du show télévisé, lundi dernier, notre président s'en est sorti par une parade en expliquant que les hauts salaires des grands patrons ne le dérangeaient pas et qu'à l'inverse, il est choqué par les salaires mirobolants de certains sportifs et de journalistes. Eh, vous avez vu ça? Laurence Ferrari, paf, elle a bugué en direct. Ah oui, ça c'est vrai, terminé. Moi, je faisais CTRL-ALT-SUB sur ma télécommande. C'est bon, elle est repartie sur un autre sujet. Mais c'est vrai qu'il y a eu un moment de grande solitude. Elle était confuse. Voilà, Philippe, toujours pour mieux saisir cette confusion justement des salaires de patrons ou des sportifs, j'ai jeté un œil sur le site Rue 89. Car on y trouve un décryptage intéressant sur les gros revenus classés par tranche. Alors ceux qui gagnent plus de 10 millions par an, plus de 5 millions, plus d'un million. Alors tout ça, c'est fait à partir des données fournies par Alternative Économique pour les PDG, par l'équipe magazine pour les grands sportifs et par Le Figaro pour les chanteurs. Voilà. Alors, bon, bien sûr, le sens de cet article est de montrer qu'effectivement, les chiffres ont tendance à donner raison aux défenseurs d'Henri Proglio. Mais attention, ces comparaisons n'ont pas vraiment de sens. Alors imaginez Philippe, Thierry Henry, 17 millions, wow, grosse blinde. Hein. 17 millions? Ouais. Bah lui, il peut charrier Jean-Paul Agon de L'Oréal, 4,8 millions. Eh, hey, petite blinde. Ça va falloir ok, faire ça. Non, mais sinon, ah bon, c'est pas la taille de la blinde qui compte, c'est comment on s'en sert. Alors, ce décryptage sur le site Rue 89 montre surtout que les revenus des chanteurs et des sportifs dépendent de leur performance. Alors que les revenus des grands patrons semblent déconnectés complètement des résultats. Oui, alors ça, c'est, la, c'est oui. l'enquête qui dit ça. Ben oui, moi, j'ai regardé les échos lundi. Martin Hirsch, le haut commissaire aux solidarités actives contre la pauvreté, qui explique sa surprise troublante, dit-il, en constatant que moins l'action de l'entreprise a progressé depuis 2001 et plus le patron a gagné en 2008. C'est très voilà. étrange. Ah ben, confusion encore, confusion. Non, non, c'est assez terrible tout ça. Alors, écoutez, Philippe, j'ai vraiment voulu comprendre ces histoires de salaire mirobolant entre patrons, footballeurs, et je me suis précipité sur le magazine France Football. Ah bah oui ah. Et là, j'ai trouvé quelques petites explications. Allons-y. Alors, France Football propose un article sur les CSC. Les... Vous voyez ce que c'est ? Oh, putain, excusez-moi, Philippe, j'entends un auditeur qui vient de marronner à côté de son transistor. Mais c'est Dominique, qui nous écoute évidemment à Villepinte. Voilà. Bon, et qui vient de dire CSC, c'est cool, Sarko, cool. Non, pas du tout, Dominique. CSC, c'est l'acronyme de contre son camp. Voilà, vous savez, hein, ces buts venus tout droit de déviations incontrôlées, comme par exemple, c'est ce que nous raconte France Football. Quand vous parlez football, c'est énorme. Ouais, j'adore. Le 13 janvier dernier, lors de la rencontre Guingamp-PSG, à la 79e minute, le Parisien Sacco, qui manque pas d'air, a mis la balle dans son propre but. Voilà, Philippe. Alors, et bon, bien sûr, tout de suite, on va dire l'UMP peut marquer contre son corps, mais c'est avec des passements de jambes magnifiques. Tandis qu'au Parti Socialiste, quand ils marquent contre leur camp, c'est avec des pénaltys sans gardien. Quoi. C'est vraiment droit devant, il n'y a rien d'autre. Bon, Philippe, Philippe, voyez, ces histoires de confusion, c'est terrible. Comme quoi, par exemple, on peut être d'un côté pour l'indépendance de la justice et contre le capitalisme débridé, mais d'un autre côté, être anti-Villepin et pro-Glio. Merci, monsieur Bauduit, pour cette formidable revue de presse. À la semaine prochaine, le kiosque referme ses portes. Voilà, fin du 190e épisode. Tout le monde descend, faites gaffe de ne rien avoir oublié. Panique au Mange à Palace, une émission coécrite les doigts dans la prise avec le professeur Mauduit, un ami précieux que je remercie très chaleureusement. Merci à toi Xavier, aux platines et à la réalisation. Il y avait bien sûr ce matin le maestro H2M, Henri-Marc Mutel. Merci beaucoup Marco. Assister aujourd'hui à la technique de Rémi Quincé et de Pierrick Monsigny, merci beaucoup à vous deux, c'était parfait comme d'habitude. Et pour la préparation des clips sonores, on dit merci beaucoup à Flora Bernard, Julien Dugast, Claire-Sophie Collet, Yvan Beaugelet et Elsa Denac. Pour les Scuds, on a l'inépuisable Thierry Dupin, bien sûr, qu'on remercie beaucoup. Merci aussi à Olivier Lefayère pour toutes ses idées complémentaires, ainsi qu'au documentaliste de l'INA. Et enfin, merci à Lucie Lera, notre sympathique stagiaire. Voilà, pour toutes les informations supplémentaires. La Panique au Mangin Palace possède un site internet savamment ripolliné sur franceinter.com où vous pourrez dans quelques minutes récupérer l'émission pour une balado-diffusion, autrement dit, le podcast. La journée continue sur France Inter après le flash. Vous retrouvez Marie-Pierre Planchon pour sa propre recette du crumble. Allez, prenez soin de vous. On se retrouve le week-end prochain à 11h et en direct sur France Inter pour les nouvelles aventures archi-loufoques et total foutraque, bien sûr. Mais en attendant, d'ici là, un seul mot d'ordre. Surtout, surtout, ne lâchez rien. Ciao. On fait pas une deuxième prise. Comment ? Ah, c'était en direct ? Ah, je savais pas que c'était en direct.